dans cette nouvelle émission de Dr Disco et Mr Funk. Alors j'ai eu un petit souci pour commencer cette émission, je suis pas arrivé à départager les découvertes que je souhaitais vous proposer. Alors j'ai décidé de tirer au sort et là, pour le coup, c'est bien tombé. Alors là, si vous la connaissez, vous m'impressionnez. Mais alors vraiment, le Ruzelu, c'est Das Band avec son titre Let It Whip. Il y a encore 2 mois, je n'avais jamais entendu parler de ce morceau. Et depuis, je l'écoute en boucle, je trouve très sympa. Je vous ai promis la découverte, et on est plein dedans. On démarre sur les chapeaux de roue avec ce titre, Let It Whip, Das Band. Let's whip it, baby. Whip it all night. My venture trip. Oh, oh. La double dose du jour est consacrée à George Benson. Savez-vous qu'il enregistre son premier album à l'âge de 21 ans et son premier 45 tours à l'âge de 8 ans ? Son dernier album date de 2019. Il a une monstrueuse carrière et c'est peu dire. Son titre le plus connu est sans conteste Give Me The Night. Il est produit par Quincy Jones. D'entrée, il retient l'attention avec l'accord de guitare d'introduction. Qui n'a pas dansé sur ce classique ? Il a d'ailleurs largement été samplé par I.A.M. sur le Mia. Rappelez-vous. Il faut savoir que George Benson ne change que très rarement ce titre, car il le considère trop commercial. Autre petite anecdote, ça c'est gratuit, prenez. C'est lui qui le premier compose le titre Nothing Gonna Change My Love For You en 1984. Glenn Medeiros la reprend 4 ans plus tard, et le public lui attribue injustement d'ailleurs la paternité de l'œuvre. Promis, je vous la ferai écouter un de ces quatre. En pépite, je vous ai choisi Turn Your Love Around et le mythique Give Me The Night. C'est parti pour George Benson. Jet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. When Ah, quel dommage qu'il la chante pas plus souvent, celle-là. Hein. Bon, bah, c'est son choix, après, c'est pas le nôtre. Hein. Mais c'est vraiment une grande chanson. On va passer maintenant à la French Touch. Aujourd'hui, le groupe Voyage, et sa chanson Souvenir. J'espère que ça vous en rappelez aussi. Leur période d'activité est brève, de 1977 à 1982. Le groupe, il est composé de 4 Français aux instruments et d'une Anglaise, Sylvia Mason James, qui vient chanter avec eux à partir de leur second album, Let's Fly Away, en 1978. Ce dernier sera classé numéro 1 au hit-parade. C'est ce qu'on disait à l'époque. La suite leur offrira moins de tubes et le groupe vivra sur son passé. On va embarquer pour une belle balade, pleine de souvenirs, j'espère. We'll be right back. Bah, j'espère que ça vous en aura rappelé des souvenirs. Hein. Enfin, en tout cas, c'était vraiment du bon son disco, comme on aime bien. Donc, du coup, on va bientôt arriver à la fin de notre rendez-vous et c'est l'heure de la pépite. Vous l'attendez tous, ça j'en suis sûr. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris les Temptations. Et leur chanson, c'est Treat Her Like a Lady. Bien sûr, tout le monde connaît ce groupe et son célèbre tube Papa Was a Rolling Stone, ainsi que My Girl. Le morceau, il est sorti en 1984. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces messieurs sont toujours d'une redoutable efficacité. On écoute un petit peu les Temptations. C'est maintenant. Passion sur Fadjet. On a quand même écouté pas mal de chansons qui bougeaient et je me suis dit, le Dr Disco et Mr Funk, le Dr Disco doit être là pour un peu calmer vos ardeurs. Donc je vais vous passer un titre qui va être un peu plus calme, c'est Billy Paul, Me and Mrs. Jones. La voix de Billy Paul est tout simplement fantastique. On dirait du Barry White un peu. Bon, l'histoire après, c'est sur, comment vous dire, une infidélité quoi. Mais la musique est vraiment top. Donc, on se calme avec Me and Mrs. Jones et on se dit au revoir après. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous sur Fadjet. Ben, je vous dis bon samedi. À bientôt pour de nouvelles aventures de Dr Disco et Mr Funk. Portez-vous bien et bonne funk.